Ce siècle qui s'ouvre par la boucherie de 1914 fut comme beaucoup d'autres un siècle de souffrance. L'être humain n'est pas à l'honneur. Le nazisme en extermine 15 millions, dont 6 millions de juifs, sous le seul prétexte qu'ils sont juifs. Des sosies d'Hitler commettront des atrocités semblables en toute impunité. Et quand le mur de Berlin tombera, on croira l'histoire terminée et le bonheur définitivement installé sur Terre. Les temps ont changé. Pourtant, l'homme a cru au progrès en ce 20e siècle. Ne serait-ce que pour goûter la joie de patauger dans l'eau de mer en ses premiers congés payés de 1936. Einstein aussi y a cru. Avant de s'effrayer devant sa propre découverte. Et lorsque l'homme a voulu la Lune, il l'a obtenue. Mais sur Terre, on continuait de s'étriper, parfois froidement, sauf dans quelques pays qui avaient aboli la peine de mort. Alors, pour donner du sens à cette existence décidément âpre, il a bien fallu rêver. Avec le surréalisme, le merveilleux surgissait au coin de la rue. Et puis, il y avait toujours un chanteur pour s'adresser aux affamés d'amour. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés, tu comprendras. On apprendra avec le sida, en cette fin de siècle, que l'amour peut tuer comme ces vieilles épidémies que l'on pensait révolues à jamais. Pour guérir, il faut donc entrer au cœur de l'homme, de sa carte génétique, du génome humain. Redonner la joie à ceux qui ne peuvent avoir d'enfants, quitte à faire naître les bébés dans des éprouvettes. On avance et souvent on recule. Le réchauffement de la planète, par exemple, pourrait dévaster la vie de millions d'êtres humains. Pourtant, jamais le besoin de se parler n'a été aussi grand. Le 20e siècle a vu la naissance de la télévision et plus récemment celle de l'Internet. L'informatique absolue où l'on peut communiquer sans être obligé de se rencontrer. Ce siècle a fini par s'offrir un déluge de feux d'artifice et de lumière, comme pour se dire, demain, ça sera beaucoup mieux. Demain, tout ira mieux, tu verras. C'était il y a un an, déjà. La fin de ce journal, la fin du dernier journal du siècle et du millénaire. Dans un instant, la méthode Catherine Laborde qui reviendra sur les avis de tempête.